Le temps défile comme il veut. Je suis seul. Un jour t'es ma princesse, un jour un démon. Je t'aime encore. Chaque jour pour toujours. À scène ces chansons que je bienvenue dans mon Éden. Je chevauche avec toi des nuages, une petite pluie lèche tendrement tes cheveux. Ne crains plus rien, je te protégerai. Pour longtemps, pour très longtemps, pour très longtemps. Mais tu me mens, je ne croirai plus en toi, plus jamais. Je ne pourrai te donner que de la paix. Un jour un démon. Je t'aime encore. Chaque jour pour toujours. À scène ces chansons que je aime.